Chapitre 3e. Malik Boucharif. Muni de son autorisation de visite, Dutilleul se présenta à 10h30 au parloir de la prison. Les formalités furent rapides et l'entrevue put avoir lieu dans une petite salle. Le détenu se comportait bien et semblait en forme. Boucharif avait une taille au-dessus de la moyenne. Il devait avoisiner le 1m85 et possédait un corps athlétique. Le visage était assez beau, les traits finement dessinés. Seule la peau, par manque de soleil, paraissait un peu malsaine. Les salutations furent brèves et, au plus grand soulagement de Dutilleul, qui n'aimait guère les prisons, Boucharif en vint rapidement au but. « Monsieur le commissaire, vous avez toujours été correct avec moi, et je vous respecte pour cela. Dommage que cela ne vous ait pas empêché de faire l'imbécile. J'ai joué, j'ai perdu, c'est tout. De toute façon, être ici ou dehors, quelle importance, quelle différence. Ici au moins, je suis à l'abri. Dites bien aux autres que je vais me tenir peinard et que je ne ferai pas d'histoire. Je paierai pour ce que j'ai fait. Vous avez des regrets ? Franchement, je n'en sais rien. Tout est allé si vite, même si je peux revoir chaque seconde de mon acte. Je ne suis pas fier. Mais je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir autrement. Cette histoire aurait mal fini de toute façon. Alors pourquoi teniez-vous tant à me voir ? J'ai un boulot pour vous, ou plutôt... » Dutilleul tica. Malik Boucharif fut un sourire non dénué de charme. « J'ai quelque chose à vous demander. Je préfère cette formulation. Je vous écoute. » « Je suis sorti un temps, » débuta Malik Boucharif, « avec une Française, une fille très chouette. Elle avait une histoire incroyable. Figurez-vous que sa mère aurait été abandonnée dans un parc à l'âge de 5 ans et que personne ne serait jamais venu la réclamer. Marion avait toujours une photo d'elle dans son portefeuille. Elle me l'a montrée un jour. C'est vrai qu'elle était vraiment canon. Bien sûr, elle a été mise à l'assistance publique, mais malgré son placement, elle serait devenue mannequin. Quant à son père, paraîtrait qu'il aurait été un petit génie de l'informatique qui, au moment de sa mort... Au moment de sa mort... J'y viens, je reprends. Il paraît qu'au moment de sa mort, il avait sa propre boîte et même que ça tournait rondement. Mais ça, il n'en aurait pas profité bien longtemps vu qu'il se serait tué, lui et la maman de Marion, au volant de sa voiture en 1988. Quel âge avait la petite ? Environ 2 ans. Qui l'a élevée ? Des gouvernantes, jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'aller à l'école. Ensuite, elle était envoyée dans des pensionnats toujours très rupins. Excusez-moi, mais je ne vois guère... Attendez, ce n'est pas fini. Marion disait toujours qu'elle était blindée de thunes et avait vraiment tout ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait qu'à demander. J'imagine effectivement que si ses parents sont morts, ses biens devaient être sous tutelle au moins jusqu'à sa majorité. Seul petit problème, elle n'a jamais atteint sa majorité. Elle a été retrouvée morte le 20 mars 2003. Dutilleul considéra Malik Boucharif avec intérêt. La date ne pouvait être une coïncidence. Comment ? Pourquoi n'avoir pas mentionné ce fait lors de votre procès ? Laissez tomber, voulez-vous ? Ce n'est pas de moi dont il s'agit. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été assassinée. Elle était saignée. Elle allait avoir 18 ans, vous comprenez ? Elle allait réclamer des comptes. Elle voulait toucher la part qu'elle détenait de droit dans la société de son père. Et je trouve plus qu'étrange qu'elle soit morte juste 2 mois avant. Vous l'avez vue ? Pas à ce moment-là. Mais avant, je la voyais tout le temps. J'étais amoureux, franchement. Bien sûr, je savais qu'il y avait un paquet de fric qui l'attendait. Marion ne s'en cachait pas. Mais je n'en avais rien à fiche de son blé. Elle était belle, patiente, un peu garçon manqué. Pas bourge pour 2 sous. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Je crois qu'elle a vraiment souffert de la mort soudaine de ses parents, mais elle n'était pas capricieuse. Elle aimait les rencontres improbables comme la nôtre. Le propos devenant soudain intéressant, Dutilleul sentit qu'il fallait poursuivre. À propos, comment vous êtes-vous rencontrés ? Dans le métro, je n'avais pas de billet, répondit Malik en rougissant. Ça l'a fait rire. J'ai craqué immédiatement. Elle a dit qu'elle était avec moi et a payé mon amende. Je lui ai offert un verre pour la remercier. Je me rappelle encore ce qu'elle a bu, une menthe à l'eau. Moi, j'ai pris un Perrier. Curieusement, j'étais bien avec elle. Je n'avais pas envie de crâner. Bien sûr, j'ai vu qu'elle était mignonne et très bien gaulée, mais ce n'était pas le plus important. On s'est revus. On s'est raconté nos vies. Je lui ai raconté ma banlieue. Il m'a raconté ses pensionnats rupins où elle s'ennuyait à mourir, sans pour autant aller jusqu'à faire le mur. Par bien des côtés, elle se sentait comblée, même s'il lui manquait l'essentiel. Elle se sentait comme... Ah, comment elle disait déjà. Ça avait un rapport avec la paille. Même que je n'ai jamais bien compris. Un fétu de paille. Malik Bouchari fut alors un sourire plein de charme. Oui, c'est ça. Un fétu de paille, déraciné, sans attache. Une liberté sans limite. Elle me disait que parfois c'était pesant. Qu'elle aurait préféré avoir une vraie famille, avec un père, une mère et des frères et sœurs. Moi, qui vivais dans une famille où l'on était toujours au moins 10 à table, je lui disais que je l'enviais. Elle n'avait pas de compte à rendre. Elle ne devait pas partager sa chambre avec d'autres. Elle avait tous les cadeaux qu'elle voulait. Au début, elle était vraiment comme une petite sœur et je vous promets que j'ai mis longtemps avant de la toucher. Pour tout dire, je la sentais perdue, alors je me suis mis à la protéger. Je surveillais son appartement. Dutilleul ne chercha pas un instant à dissimuler sa surprise. Lui qui pensait bien connaître le garçon, il avait encore des choses à apprendre. Vous ne vous êtes pas installé avec elle? Vous êtes fou? Je ne tenais pas à me faire connement crister ou alerter la famille. Il valait mieux rester discret, surtout qu'elle était encore mineure et avec mon casier. Avait-elle beaucoup d'amis? Non, pas vraiment. J'ai croisé 2 ou 3 filles, mais elles n'étaient pas proches de Marion. En revanche, je crois me souvenir qu'il avait une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine. C'est elle qui a trouvé le corps. Avez-vous un nom? Souchet ou Surget, en tout cas quelque chose dans ce goût-là. Que faisait Marion en dehors de vous fréquenter? Elle suivait un cursus d'économie et de gestion dans un institut privé. Elle s'y plaisait assez. Les cours semblaient intéressants, et elle avait le nez constamment plongé dans ses bouquins. Elle était donc assez sérieuse. Oui, plutôt, et je l'admirais pour cela. Quand elle devait bosser, elle bossait. Il n'y avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Pourtant, elle n'était pas obligée. Dans 3 mois, elle allait toucher un sacré pactole. Plusieurs millions, à ce que j'ai compris. Mais elle n'avait pas l'intention de piocher dedans. Paraît que le pognon était super bien placé et qu'il ne fallait pas y toucher. Elle a bien tenté de m'expliquer, mais là, j'avoue que je n'ai pas trop suivi. Moi, les actions, les obligations... J'ai juste compris qu'elle pourrait avoir une vie peinarde, sans avoir besoin de bosser beaucoup, même si ce n'est pas ça qu'elle visait. Elle, elle voulait une place dans la boîte de son paternel, revendiquer son rang, en quelque sorte. Elle savait qu'elle aurait à faire ses preuves, mais elle s'en moquait. Malheureusement, un sale enfoiré de sa race a brisé ce joli rêve et le mien, au passage. Il est sûr que tu n'allais pas laisser passer une si belle occasion. Malik Boucharif jeta un regard noir à Dutilleul, mais heureusement celui-ci en avait vu d'autres. De plus, il connaissait un peu trop le client pour lui faire d'entrer pleinement confiance. « Pour qui me prenez-vous? Je rapportais ma part. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est la charité, et Marion le comprenait parfaitement. Je ne me voyais pas trop dans le rôle du gigolo de madame. Les mecs entretenus, je peux pas les blairer. Bien sûr, il aurait fallu que je fasse quelques efforts. » Mais s'il m'avait demandé de porter un costard et une cravate, je l'aurais fait. Ouais, vous pouvez sourire, mais j'étais décidé à aller jusque-là. Curieusement, Dutilleul était prêt à le croire. Le prisonnier ne bluffait pas. Que voudriez-vous que je fasse? Je veux connaître le salopard qui l'a buté et lui régler son compte parce que c'était franchement dégueulasse. Si vous pouviez me relater les circonstances de son décès, cela pourrait m'aider.